Et nous sommes, ça ne vous aura pas échappé, en pleine semaine des Nobel après Françoise Barré-Sinoussi que nous recevions hier et qui fêtait les 10 ans de son prix Nobel de médecine. Ce sont deux prix Nobel de physique que vous allez entendre aujourd'hui dans l'émission. Le prix Nobel 2018 qui a été décerné tout à l'heure au Français Gérard Mourou que nous avons pu contacter. Et le prix Nobel d'il y a 3 ans, 2015, Arthur MacDonald qui a été récompensé pour ses travaux sur les neutrinos, ces particules fantômes dont il a mis en lumière les différentes saveurs. C'est l'occasion pour nous de faire notre deuxième grand dossier transverse de l'année sur les neutrinos avec notre partenaire Sciences et Avenir. Neutrino, une particule particulière, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'état de la recherche sur ces particules fantômes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Daniel Vigneault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université Paris Diderot. Vous avez organisé début septembre un colloque international sur l'histoire du neutrino, colloque auquel vous avez invité Arthur MacDonald, le prix Nobel qu'on va entendre dans un instant. Et nous sommes ravis d'accueillir également Azar Kaladbari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Sciences et Avenir, notre partenaire qui fait justement sa une du mois d'octobre sur le neutrino. Neutrino, la plus mystérieuse des particules. Vous êtes notamment rendu en Chine sur le chantier du futur détecteur Juno qui est en construction. On va en parler tout à l'heure. Comme je le disais, c'est notre deuxième grand dossier. Tous les mois, on vous propose un dossier en partenariat avec Sciences et Avenir, avec la version papier, avec l'émission. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les déclinaisons de ce dossier grand, dossier multimédia transversal sur les sites respectifs de Sciences et Avenir et de France Culture. Mais avant de plonger dans le monde des particules, un mot sur le prix Nobel de physique 2018. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2018 Nobel Prize in Physics with one half to Arthur Ashkin, pour moitié à Arthur Ashkin, pour la pince optique et son application au système biologique, et pour l'autre moitié, conjointement à Gérard Mourou et Donna Strickland, pour leur méthode de génération d'impulsions optiques intenses ultra courtes. Voilà, tout a été dit. Bonjour Natacha Triou. Bonjour Nicolas. Bon, le prix a donc été remis, on l'a entendu, à l'américain Arthur Ashkin, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse, au français Gérard Mourou et à la canadienne, à part égale, Donna Strickland, pour leurs travaux sur les lasers. Oui, alors comment rendre les lasers plus puissants et plus rapides? C'est la question à laquelle Gérard Mourou et Donna Strickland ont répondu en 1985 avec le CPA. Alors depuis que les lasers ont été inventés il y a presque 60 ans, les chercheurs ont essayé de créer des impulsions plus intenses, et depuis les années 60, ça stagnait. Impossible d'augmenter l'intensité de la lumière sans détruire le matériel amplificateur. Jusqu'à ce qu'en 1985, Mourou et Strickland créent la technique du CPA, dite du Chirped Pulse Amplification, un système d'amplification par dérive de fréquence à des niveaux sans précédent. Cela a permis d'obtenir des lasers de femtoseconde, c'est-à-dire en billiardème de seconde, avec une puissance en pétawatts, c'est-à-dire en billiard de watts. C'est 15 zéros après l'unité. Des lasers plus rapides et plus puissants, donc. Donc dans une journée un peu folle, nous avons réussi à joindre Gérard Mourou. Il nous explique les applications de ses recherches pour les sciences fondamentales. Eh bien, écoutez, on sait tous que le laser est un instrument très puissant de lumière. Et ce que nous avons apporté avec Donna Strickland, c'est la possibilité d'amplifier le laser, la puissance du laser, à peu près de 1 million à 1 milliard de fois ce que l'on peut avoir maintenant. Et donc, cette amplification entraîne bien sûr de nombreuses applications. Quelle était l'étape technique qui empêchait le passage du laser du gigawatt aux puissances que vous avez obtenues? Pourquoi est-ce que c'était impossible? Ça bloquait? Donc, quand le laser a été inventé, on avait une certaine puissance qui était donnée naturellement par le laser. Et ce que nous avons fait, c'est que pour amplifier, on comprime l'impulsion. Enfin, l'impulsion et au départ, le laser délivre des impulsions brèves. Pour les amplifier, on les étire d'abord pour diminuer leur puissance crête et ensuite on les amplifie. Et ensuite on compresse après amplification. Et ça nous a permis tout de suite d'avoir un facteur, d'augmenter la puissance des lasers d'un facteur 1000, 1 million et 1 milliard maintenant, à peu près 1 milliard, donc deux fois. Est-ce qu'on peut avoir maintenant les lasers du genre du pétawatt? Le pétawatt, c'est 1000 fois la puissance de la grille mondiale. Électrique. c'est 1000 fois les installations produisant de l'énergie dans le monde. Voilà. Et ça, c'est délivré, bien sûr, dans des temps très, très brefs. Hein. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est cette puissance sur, finalement, du femtoseconde, donc 10 puissance 15 moins seconde. Ça permet aujourd'hui d'avoir des flashs au niveau atomique, au niveau moléculaire. Qu'est-ce que ça permet en termes de recherche fondamentale, en quelques mots? Ah oui, alors là, il y a une recherche fondamentale. Bien sûr, cette technique est utilisée maintenant, c'est universel, hein, tout le monde l'utilise, mais à des différents niveaux d'énergie. Hein. Alors, elle est utilisée en physique atomique, mais la chose que l'on va pouvoir faire maintenant avec le laser, c'est qu'on va passer justement de cette physique atomique, qui est la physique, si vous êtes un petit peu scientifique, à l'électron-volt, on va pouvoir la passer à la physique subatomique, hein. C'est-à-dire que ce sera l'étude du noyau et ce sera l'étude aussi des champs et des particules. Hein. C'est-à-dire que vous avez ouvert la voie finalement à ce qu'on puisse flasher des événements de l'ordre de l'attoseconde, c'est-à-dire qu'on va pouvoir finalement réussir à flasher des électrons en quelque sorte dans la suite de vos travaux? Oui, non seulement, mais ce sera beaucoup plus large que ça, c'est pas seulement le fait qu'on puisse créer des attosecondes, ça c'est vrai, ça a permis de faire ça, mais aussi c'est avec les attosecondes vont arriver avec une puissance qui va être encore multipliée, parce que chaque fois qu'on réussit à décroître la durée d'impulsion, eh ben on peut augmenter la puissance crête. Donc on arrive à des puissances vraiment tout à fait fabuleuses, et ces puissances qui vont nous permettre peut-être aussi de faire bouillir le vide, de claquer le vide. Le vide sera décomposé en ces éléments, quoi, c'est-à-dire particules et antiparticules. C'est ça, c'est-à-dire d'arriver finalement à faire dissocier des éléments de particules antiparticules qui se produisent à des temps encore plus petits que l'attoseconde. Voilà, exactement. Maintenant, on parle même de zeptosecondes. Un tout dernier mot, parce que j'imagine évidemment que vous êtes très très occupé aujourd'hui, Gérard Mourou. Un tout dernier mot, peut-être, pour Donna Strickland, c'est jamais que la troisième femme de l'histoire du Nobel depuis 1901 à obtenir le prix Nobel de physique, c'est aussi important. Ah oui, oui, je suis ravi. Je suis ravi que Donna partage le prix avec moi. C'était mon étudiante. Quand j'avais proposé cette idée-là à Donna, quand elle cherchait pour faire un PhD, c'était à l'Université de Rochester, New York, et elle m'a dit, mais c'est pas assez pour un PhD. Elle avait raison, hein, c'est pas pour un PhD, c'était pour un prix Nobel. Voilà, c'était, vous venez de l'entendre, Gérard Mourou, le prix Nobel de physique 2018, co-attribué avec Donna Strickland, donc, comme vous l'avez entendu, pour ses travaux sur les lasers. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, puis un Nobel en appelle un autre, c'est bien connu, un Nobel peut en cacher un autre. On va entendre dans quelques minutes le prix Nobel de physique 2015, Arthur MacDonald, puisque nous faisons une émission aujourd'hui, un grand dossier transverse avec Science et Avenir qui fait sa une sur le neutrino, la plus mystérieuse des particules. Nous allons précisément parler de ce neutrino, puisque c'est ce qui a valu son prix Nobel à Arthur MacDonald. Vous avez invité ce prix Nobel sur Arthur MacDonald, Daniel Vigneault, à votre colloque début septembre à Paris, sur l'histoire des neutrinos. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de le rencontrer, donc je vous en remercie. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de constituer un colloque autour de l'histoire des neutrinos? Pourquoi est-ce qu'il fallait réunir, selon vous, des scientifiques et des historiens des sciences? L'idée a germé il y a 2 ans avec mon camarade Michel Cribier, où à la fin de l'été, on a pensé organiser ce colloque et on pensait qu'il existait déjà des conférences sur ce sujet. Et on a découvert que non. Et à ce moment-là, on a contacté un certain nombre de scientifiques du neutrino et tout le monde a été tout de suite enthousiasmé par cette idée. Et donc, on a réussi à organiser début septembre cette rencontre où il y avait malheureusement pas suffisamment d'historiens des sciences, mais quelques-uns, et puis des physiciens qui ont participé aux découvertes qui ont eu lieu depuis plus de presque 100 ans maintenant. Et donc, parmi ces physiciens, donc 2 prix Nobel, Takaaki Kajita et puis Arthur MacDonald. Qui l'ont eu ensemble en 2015. Qui l'ont eu ensemble en 2015. Pour la découverte de l'oscillation des neutrinos dans deux domaines différents. Et puis, on a eu aussi quelques pionniers, hein, qui étaient évidemment un petit peu âgés, mais qui ont joué le jeu. Et tous les orateurs ont vraiment joué le jeu de pas faire une conférence, de donner un exposé traditionnel où on raconte les dernières nouvelles, mais vraiment de montrer l'histoire de leur sujet, comment la science se fait avec ces aléas. Et ça a très très très bien marché, et les discussions qui ont eu lieu après les exposés étaient vraiment très vivantes. Alors justement, puisque vous avez raconté au cours de ce colloque l'histoire du neutrino, nous sommes allés fouiller dans l'histoire de la radio, nous sommes allés à la recherche d'une archive pour savoir comment on définissait le neutrino en 1947. Écoutez le physicien Pierre Auger. La spectrographie des noyaux commence tout juste. De nouvelles particules viennent d'être découvertes. Je rappelle qu'en 1918, nous ne connaissions guère que le proton, particule positive, et l'électron, particule négative. Depuis, les physiciens ont découvert l'électron positif, un neutron, une particule sans charge électrique, ont inventé, je ne dis pas découvert, parce que là, nous ne l'avons pas encore mis en évidence, c'est une particule hypothétique, ont inventé le neutrino, particule fantôme, qui n'a ni masse, ni charge électrique, et qui ne produit, on peut dire, aucun effet en traversant la matière, ce qui ne rend pas évidemment facile sa mise en évidence. Et puis, au moins deux espèces de particules intermédiaires entre l'électron et le proton, que nous appelons des mésons. Vous voyez que la botanique des particules élémentaires s'accroît de jour en jour. Voilà, depuis 1947, cette botanique s'est encore accrue d'un certain nombre de particules, mais c'est intéressant cette définition du neutrino qui n'a pas été découverte, mais qui a été inventée, nous dit Pierre Auger en 1947, Daniel Vigneault. Oui, ça a été inventé par Wolfgang Pauli en 1930 pour expliquer le problème de la désintégration de la radioactivité bêta, où le spectre des électrons observés ne respectait pas ce qu'on attendait. Et donc il a dit, pour expliquer ça, on peut inventer une nouvelle particule. Donc ça, c'était en décembre 1930, et il lui a fallu quand même 3 ans pour que cette particule qu'il écrive noir sur blanc, cette particule qui a été ensuite baptisée par le physicien italien Enrico Fermi en 1933. Donc ça, c'était le postulat de Pauli. Et peu après, des physiciens aussi célèbres que Hans Bethe ont dit que jamais on ne réussirait à observer le neutrino. Et il a fallu attendre 1956, donc après l'interview de Pierre Auger qu'on vient d'entendre, que je connaissais pas et qui est vraiment très intéressante. Donc 1956 pour que Fred Reines et Clyde Cowan observent le neutrino auprès du réacteur de Savannah River aux USA. Azar Khaled-Barry. Alors, ce qui est vraiment touchant dans cette déclaration de Pierre Auger, c'est que, bien sûr, il nous dit que ce neutrino n'a pas de masse, ce qui est toujours le cas du neutrino dans le modèle standard. Mais depuis 98, les choses ont énormément changé et tout ça a été chamboulé. Qu'est-ce qui s'est passé en 1998 à Super Kamiokande, Daniel Vigneault? Alors en 1998, les Japonais, et les Américains d'ailleurs, de l'expérience Super Kamiokande, qui est au Japon, en observant les neutrinos atmosphériques, c'est-à-dire les neutrinos qui sont produits par l'interaction des rayons cosmiques primaires dans l'atmosphère, ils se sont aperçus que le comportement des neutrinos qui arrivaient au-dessus de leur tête, c'est-à-dire qui avaient parcouru une 20aine de kilomètres, était différent du comportement des neutrinos qui venaient des antipodes, c'est-à-dire qui avaient traversé la Terre sur 10 000 kilomètres. Et donc, l'explication de cette différence de comportement a été l'oscillation des neutrinos, c'est-à-dire la transformation des neutrinos, en l'occurrence des neutrinos muons, une famille de neutrinos associés aux muons. Et ces neutrinos muons s'étaient partiellement transformés en neutrinos tau, la troisième famille de neutrinos. Et ça a été vraiment, après des années de recherche, c'était vraiment une découverte fondamentale. Il faut peut-être refaire rapidement, parce que là on va commencer effectivement à parler de saveur, d'oscillation, avant d'entendre l'interview d'Arthur MacDonald, de redire ce qu'on sait aujourd'hui de l'état de l'art, entre guillemets, autour du neutrino. Qu'est-ce que c'est que ces particules? Comment elles se situent dans le tableau des particules élémentaires, Daniel Vigneault? Alors, les neutrinos existent sous 3 espèces, le neutrino électron associé à l'électron, le neutrino muon associé au muon, et le neutrino tau associé au tau. Et donc, dans les familles de particules élémentaires... Ce sont les 3 leptons, par ailleurs. Les 3 leptons. Mmh. Les 3 leptons chargés, l'électron, le muon et le tau. Les 3 leptons neutres, les 3 neutrinos. Et puis, les autres particules qui sont les quarks. Et tout ça, ça s'associe dans des familles. Donc, comme le disait Pierre Auger, donc les neutrinos n'ont pas de charge. Donc, ils n'interagissent pas par interaction électromagnétique. Alors, il disait qu'ils n'ont pas de masse. En fait, on sait aujourd'hui qu'ils ont une masse parce qu'on a montré qu'ils oscillaient, mais cette masse est très très faible, complètement très inférieure à ce qu'on s'attendrait par rapport aux masses des autres particules, des quarks ou des leptons. On peut donner un ordre de grandeur en électronvolts? Inférieur à un électronvolt et des fractions d'électronvolts. Alors qu'un électron, c'est... Un électron, c'est 511 000 électronvolts. Voilà, donc c'est vraiment très très très, c'est une masse quasi négligeable quoi. Quasi négligeable, mais... Francis Perrin, dès 1933, avait, dans un papier publié dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, avait déjà mentionné que si les neutrinos avaient une masse, elle devait être très petite. Mais ils pensaient qu'ils avaient une masse. Alors, en fait, cette masse extrêmement minuscule, on va dire, traduit toute la difficulté de la détection. Parce que donc ces neutrinos peuvent traverser la matière sans interagir avec la matière. Et du coup, pour les intercepter, eh bien, il faut déployer beaucoup, beaucoup de matière. Donc, c'est un petit peu ce que font les différents détecteurs à travers le monde. Bon, c'est une course internationale qui est partie depuis 98 dans cette direction. Et vous allez nous raconter tout à l'heure, parce que vous êtes allé visiter la future génération qui est en construction en Chine maintenant. On va vous mettre sur le fil Twitter tout de même, c'est important pour se remettre un peu les idées claires, une expression qui me tient à cœur, le tableau des particules élémentaires pour que vous puissiez voir un peu comment elles se correspondent les unes les autres. Vous pouvez nous décrire peut-être, Hazar Kalabari, à quoi ça ressemble un détecteur de neutrinos? C'est toujours des installations très très belles, assez impressionnantes d'ailleurs. Oui, alors en fait, on a souvent dans l'idée cette image qui a été pas mal diffusée lors du prix Nobel, cette image de Camille Condé, où on voit en fait une sorte de piscine. D'immenses piscines où lors de la maintenance on y allait avec une petite pirogue, ce qui pouvait ressembler à une pirogue, et donc pour nettoyer les parois. Et donc les parois de cette piscine sont recouvertes de photomultiplicateurs dont le but est d'amplifier la petite lumière émise lors de l'interaction d'un neutrino avec la matière qui est à l'intérieur de cette piscine. Qui peut être très diverse, on en reparlera peut-être, ça peut être de l'eau lourde, ça peut être plein d'autres choses, ça crée effectivement une micro-étincelle d'un milliardième, même de, je parle sous votre contrôle, d'un individu de 4 milliardièmes de seconde, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment très très fugace, donc c'est pour ça qu'il faut des photomultiplicateurs pour pouvoir percevoir cette lumière. Voilà. Ce qui nous amène à l'expérience SNO au Canada et au prix Nobel d'Arthur MacDonald. Quelles sont ces découvertes, Arthur MacDonald? Arthur MacDonald, il a montré, à partir de l'étude des neutrinos solaires, c'était le but de l'expérience, et il a montré que les neutrinos solaires qui sont de type électronique se transformaient aussi à l'intérieur du Soleil, donc par un mécanisme d'oscillation un petit peu plus compliqué que l'oscillation elle-même. Enfin, on va en rester là. Et son détecteur, le détecteur SNOW, qui utilisait justement de 2000 tonnes d'eau lourde, était sensible non seulement aux neutrinos de type électronique, mais à toutes les familles de neutrinos. C'est-à-dire qu'il a montré que... Neutrinos muons et neutrinos tau. Il a montré que les neutrinos électroniques qui se transformaient par le mécanisme d'oscillation se transformaient en neutrinos muons et neutrinos tau, et donc que le flux total de neutrinos émis par le Soleil était bien là, mais qu'il y avait eu l'oscillation. Donc cette découverte était aussi fondamentale que la première découverte de l'oscillation par l'expérience Super Camille Condé. Et Arthur MacDonald obtient donc le prix Nobel de physique en 2015 pour ses travaux avec le japonais Takaaki Kajita. Il était de passage à Paris à votre invitation, les deux d'ailleurs, mais nous avons pu rencontrer Arthur MacDonald. Vous avez pu le rencontrer, Céline Lozen. Oui, absolument. Juste avant sa conférence, je l'ai rejoint pour revenir sur sa carrière et sa grande découverte, l'oscillation. C'est-à-dire le fait que les neutrinos changent de forme au cours de leur vie, sans qu'on ne comprenne bien encore comment ni pour quelles raisons. En tout cas, c'est en 2001 qu'il avait mis en évidence ce phénomène d'oscillation au SNOW Lab, un laboratoire qu'il a fondé lui-même au Canada. Et cette découverte a ouvert pour la suite des nouveaux champs de recherche, notamment sur la matière noire et l'antimatière qui occupent aujourd'hui les recherches d'Arthur MacDonald. I'm from Canada, from Nova Scotia. Je viens du Canada, de la Nouvelle-Écosse. I come from partly French. Je viens en partie d'un milieu francophone. People who moved to Canada. Les gens qui ont émigré au Canada dans les années 1700 et quelques. And partly Scottish. Et also people who moved. En partie écossais qui ont émigré au 19e siècle. I come from a small town. Je viens d'un petit village, d'une petite ville. I had a wonderful mathematics teacher. J'avais in high un prof de maths extraordinaire au lycée. And when I went to university, et quand I had je suis allé a wonderful à l'université, j'ai eu un professeur who showed me merveilleux that mathematics qui m'a montré que les mathématiques pouvaient être utilisées pour calculer how the world works, comment which fonctionne is what's called le monde, physics. Ce que l'on appelle communément la physique. I went on from Canada to the United States to je suis passé ensuite Caltech, du Canada aux États-Unis au Caltech Pasadena, à Pasadena for graduate work. Pour travailler sur ma licence et ma maîtrise. Canada, et depuis, je travaille au Canada. And then, as a professor et en tant Princeton que professeur à l'Université de Princeton aussi, et je suis revenu maintenant au Canada en tant que dirigeant d'un grand projet Neutrino depuis 1989. Alors 1998, c'est l'année où l'expérience super Kamio Kande, l'expérience japonaise, a montré la preuve que les neutrinos possèdent une masse. Où en étaient vos travaux à l'époque ? We were in the process of beginning our experiment in 1998. Nous étions au début de nos expériences en 98. After many years of après plusieurs années de construction. The measurements that we made les mesures que nous avons faites étaient une confirmation du fait que les neutrinos changeaient d'un type à un autre, which, together with ce qui, theory, avec la théorie, vous permet de comprendre qu'ils ont une masse qui est plus grande que zéro et ne voyagent donc pas à la vitesse de la lumière. So the work that was done in Japan, le travail qui a été fait au Japon, where oscillations were observed, où des isolats ont été observés, et le travail qui a été produit au Canada, où la saveur des neutrinos changent, ont été observés, étaient extrêmement complémentaires dans la compréhension de la théorie qui sous-tend these properties of les propriétés des neutrinos, which are beyond the qui vont standard model au-delà du modèle standard de la physique et nécessite des changements à apporter à cette théorie extrêmement fondamentale. Concernant la saveur de ces neutrinos, ces trois natures différentes, comment vous avez pu déterminer les proportions en provenance du Soleil ? Nous avons principalement mesuré les neutrinos électroniques, la fraction de ces neutrinos produits par le Soleil qui sont intégralement électroniques, qui ont survécu en arrivant sur la planète Terre. Et nous avons mesuré une seconde quantité qui est tout aussi sensible à ces trois types de neutrinos. Et nous avons déterminé qu'un tiers seulement du total electron neutrinos. Restaient des neutrinos électroniques. De nos mesures, nous ne savons pas si la transition des électrons va vers les muons ou les taux. Nous savons qu'ils changent de saveur en quittant leur qualité électronique. Alors, vous avez essentiellement étudié les neutrinos solaires, mais il existe aussi beaucoup de neutrinos dits sauvages en provenance d'autres galaxies, de l'univers lointain. Est-ce que vous avez aussi étudié à l'intérieur de ce laboratoire à SNO ces neutrinos sauvages? Nous étions dominés par l'étude des neutrinos en provenance du Soleil. Parce qu'ils sont tellement plus proches, le Soleil est tellement plus proche que toutes ces autres galaxies. Numbers depend on the distance one over the distance squared. Au carré. And so if you move et donc, si vous passez two times further away, you have four times fewer deux neutrinos. Mesures plus loin, vous avez quatre fois moins really de neutrinos. Only the sun et seulement donc le soleil the source of neutrinos pouvait être la source des neutrinos that we were pour les énergies que nous utilisions, que nous étudions dans nos expériences. Super Kamio Kande pour les mesures du Super Kamio Kande, ils ont étudié des neutrinos d'énergie plus élevée qui ont été produits dans notre atmosphère par les rayons cosmiques. Alors justement, votre lauréat du Nobel, Taaki Kajita, a étudié ces neutrinos atmosphériques et a mis en évidence une anomalie. Et cette anomalie vous a permis de vous conforter dans vos propres théories sur les neutrinos solaires. As I mentioned earlier, the two measurements are very complementary. Comme je l'ai dit précédemment, les deux mesures sont complémentaires, montrant dans un cas très clairement un phénomène d'isolation et dans notre cas une transformation des neutrinos qui se produit durant leur passage dans les matières à haute densité dans le Soleil qui changent leur saveur. One theory et une théorie couvre les deux phénomènes de façon extrêmement efficace et nous permet de comprendre les propriétés des trois types de neutrinos. Mais en plus de ces deux mesures qui ont été faites au Japon et au Canada, il y a toute une série de mesures qui ont été faites depuis, qui nous donnent encore plus d'informations et d'autres mesures que nous continuons de faire pour tenter de comprendre totalement comment inclure les neutrinos de façon exacte dans le modèle standard de la physique. Avant de poursuivre sur vos travaux, j'aimerais faire un petit détour sur la détection de Ice Cube qui a été faite l'année dernière. On a pu détecter un neutrino en provenance d'un blazar. Est-ce que vous pensez qu'une telle mesure peut amener les astrophysiciens à miser davantage sur l'étude des neutrinos pour explorer l'univers en dehors des photons ? Yes, the measurements of Ice Cube are very, very valuable in understanding. Les mesures de Ice Cube sont extrêmement importantes pour mesurer cela. The highest energies of neutrinos. Les énergies élevées de neutrinos that have been observed qui ont été observées à ce jour. Neutrinos have the property that les neutrinos ont une propriété only interact through the qui n'interagit que par les interactions faibles et donc ils peuvent passer à travers des quantités incroyables de matière sans aucun effet sur eux. Ils ne sont pas affectés par les champs magnétiques from the, in between the far galaxies, entre les galaxies éloignées. We, therefore are able to use et donc, neutrinos nous to pouvons study, utiliser les neutrinos pour étudier astronomical objects that are les objets astronomiques qui sont les plus loin de nous, les plus and éloignés in the case de nous. Of the neutrinos that et were dans observed, le cas des neutrinos qui ont été observés, it is thought that they come from, ce n'est pas le fait qu'ils viennent de one of the most catastrophic examples of des exemples les plus catastrophiques energies being created as particles fall into a black hole. Alors que les particules tombent and dans les we trous are noirs, seeing the nous voyons particles that did not get sucked into the black hole, but nevertheless were accelerated to very high energies. Accélérées vers des énergies what is wonderful élevées, about the measurements that the Ice Cube experiment made is that they have been combined with optical measurements avec and des mesures X-ray optiques, measurements and radio measurements in what has become essentially a new field of astronomy referred to as multi-messenger astronomy. L'astronomie multimessage. And it is wonderful that et the scientists who work in astronomy, qui travaillent dans le domaine de l'astronomie en utilisant des techniques traditionnelles and observing optical and radio, observent des émissions classiques et radio-émissions d'objets astronomiques collaborent désormais avec des physiciens des particules qui étudient donc les particules et c'est tout un domaine qui s'appelle les astroparticules, la physique des astroparticules. Je pense que maintenant que ce premier cas de correspondance entre les neutrinos et Ice Cube et d'autres instruments s'est produit, il va y avoir un avenir extrêmement riche pour comprendre certains des événements les plus catastrophiques de notre univers. En juin dernier, lors d'une conférence internationale à Heidelberg, il a été question des neutrinos stériles. Des neutrinos qui seraient d'un autre type que les trois autres, plus lourds, et dont on n'arrive pas vraiment à saisir l'identité. Quelle est votre position sur l'existence de cette quatrième nature de neutrinos ? I think people who work in the field are still attempting to understand. Les gens qui travaillent dans ce domaine tentent encore de comprendre. Les mesures qui ont été faites jusqu'à présent sont-elles conclusives sur l'existence de neutrinos stériles? Nous savons qu'il y a trois types de neutrinos, les électroniques, les muons et les tau, qui interagissent par les interactions faibles et qui nous donnent des effets quite well demonstrated qui sont parfaitement démontrés par les mesures de leurs propriétés. The set of measurements that have been les made mesures of qui ont été faites possible fourth species par, or more possible quatrième force de neutrinos qui n'interagissent pas aussi fort. À ce jour, je pense que cela est considéré par les gens dans ce domaine comme étant pas encore prouvé. Ce sont des mesures qui ont été faites par différentes techniques, d'autres techniques qui ont été menées en première par des gens ici en France avec des réacteurs à neutrinos. Eh bien, ces mesures n'ont pas l'exactitude pour être suffisamment conclusive quant à leur existence. Nous regardons cela avec beaucoup d'intérêt. Les scientifiques tentent toujours d'avoir l'esprit ouvert et de comprendre leur univers de façon plus complète. Mais il faut plus de travail avant d'arriver à une conclusion. The double show experiment here in France, for example, and several others. Le double show qui a été expérimenté ici en France et d'autres endroits a été utilisé pour tenter de comprendre si les neutrinos des réacteurs montrent, prouvent ces propriétés. Alors, bien qu'encore théorique, ces particules pourraient-elles être des bons candidats pour les particules WIMP, ces fameuses particules qui pourraient incarner la matière noire? Do you mean the sterile neutrinos? Yeah. Vous voulez parler des neutrinos stériles? It is not easy to. Il n'est pas facile include those neutrinos ces neutrinos in what you need dans to ce qu'il est nécessaire explain pour expliquer the phenomena that les represent phénomènes the evidence qui for représentent dark matter. Les preuves de la matière noire, la but matière sombre. It is not, mais it is one possibility, c'est une possibilité which would, make some difference in our, qui ferait la différence understanding of dans how notre compréhension dark in the comment la matière sombre how the universe has evolved, rentre but it is dans a la façon dont l'univers a évolué. Mais c'est une possibilité. Racontez-nous un peu la nouvelle expérience que vous menez au Snow Lab depuis 2016 qui vise à traquer cette matière noire. Yes, we have an experiment that is at Snow Lab. Nous avons une expérience en cours au Snow Lab. Underground laboratory. Sous terre, c'est un laboratoire souterrain au Canada. It's called the qui s'appelle DEAP. DEAP en anglais deep, ce qui signifie profond. Experiment. And it uses et three on utilise tons of 3 tonnes d'argon liquide to search for pour rechercher dark matter particles, les particules de WIMPs, matière noire, as we call les them, WIMPs, weekly, comme on les appelle. Interacting ce sont massive des particles, particules massives d'interaction faible sensitivity. Avec une excellente sensibilité. I am not the leader of je ne suis project. Pas le directeur de ce projet, le directeur mine, est un de mes collègues, Marc Boulay, au Canada, mais je suis impliqué de façon extrêmement active. And we have plans, nous avons and, des plans, des projets, et j'en parlerai cet après-midi. Laboratoire for astroparticle and cosmology au laboratoire d'astroparticules et de cosmologie à l'Université de Paris Diderot this afternoon, along with one of my European avec colleagues, mes collègues européens where the next stage et l'étape suivante of this experiment de cette expérience sera about 10 times larger 10 fois and, plus importante is expected, and is et in the process of being developed le processus est en train d'être développé Grand Sasso Laboratory au laboratoire du Grand Sasso in Italy, en Italie with, further measurements avec being d'autres made mesures qui seront faites au Canfranc Laboratoire qui est une collaboration entre la France et l'Espagne. And we have longer term plans. Et nous avons des plans à plus long terme et nous nous y efforçons pour une expérience additionnelle another factor of 10 qui sera larger. So ultimately, une expérience plus grande par un facteur 10, donc 200 tonnes d'argon liquide. That experiment is capable et cette of expérience pourra pousser notre sensibilité à l'observation des particules de matière noire dont nous savons qu'elles existent dans notre galaxie the limit of detection jusqu'aux limites possibles de la détection imposée neutrinos, par les neutrinos, de façon ironique. Neutrinos from the les neutrinos atmosphériques limiteront notre capacité d'observer la matière noire parce que ces neutrinos the argon nucleus in our liquid peuvent faire en sorte que les noyaux d'argon de notre liquide pourraient être écartés. Et donc à ce point, on limite notre sensibilité, mais nous pensons qu'avec le programme que nous avons à l'esprit, des scientifiques de la France et de 12 autres pays, 250 en tout, les scientifiques qui travaillent sur ces projets, nous serons capables d'amener la sensibilité autant que faire se peut. Being limited by sans être limité the background created par by neutrinos l'arrière-plan themselves. Créé par les neutrinos eux-mêmes. Plus généralement, par rapport au modèle standard de la physique, on peut dire aujourd'hui qu'après 2012 et la confirmation de l'existence du boson de Higgs, que le modèle standard est complet, cohérent, et qu'avec toutes les nouvelles mesures qui sont de plus en plus précises, confortent ce modèle. Et malgré cela, il y a encore beaucoup de physiciens qui restent insatisfaits car ils désirent de refondre un peu la physique moderne, de trouver des lois plus générales au-delà du modèle. Est-ce que vous faites partie de ces physiciens ? Je pense que toute personne impliquée dans la physique des particules a cet objectif. La théorie du tout, c'est un terme qui est parfois utilisé, mais il est très clair qu'on a besoin d'une théorie qui est plus de substance que la théorie représentée par le modèle standard. Le modèle standard est appliqué aux interactions faibles, aux interactions fortes et aux interactions électromagnétiques, ces forces qui gouvernent les interactions des particules que nous observons de façon habituelle dans le monde et autour et dans les expériences que nous menons. Toutefois, en combinant avec la gravité, la force de gravité, c'est un objectif additionnel. C'était impossible jusqu'à présent d'expliquer les interactions que je viens de mentionner dans une théorie merveilleuse, mathématique, et aussi extrêmement précise, comme vous l'avez dit. Plus on le regarde, plus on l'étudie, plus elle devient précise. Mais il est clair que finalement, il faut inclure la gravité et donc étendre ce modèle standard si nous voulons avoir une nouvelle théorie que nous espérons tout aussi merveilleuse qui couvrirait l'ensemble de l'univers, y compris la gravité. Et l'objectif serait de chercher les manières dont la façon que ce modèle standard, pour l'instant, ne concorde pas avec la théorie. Nous avons observé le modèle standard qui dit que les neutrinos devraient avoir une masse égale à zéro et ne pas passer d'une saveur à une autre, et bien que cette théorie était incomplète et des changements ayant été apportés à cette théorie, à ce modèle, pour rectifier ce problème. Ce n'est pas tout à fait défini ce que doivent être ces changements. Et nous espérons qu'en étudiant les neutrinos plus en détail, on aura des clés additionnelles pour savoir comment ce modèle, dit modèle standard, puisse être plus complet. Donc nous continuons de chercher la théorie du tout. Nous connaissons la gravité, nous savons ce que sont les particules. Nous n'avons pas une théorie qui couvre les deux simultanément de façon complète. Alors, vous êtes à Paris en ce moment pour un colloque international qui réunit tous les spécialistes. Quel est l'enjeu vraiment de ce colloque ? Well, I'm attending actually several symposia in the next 4 days. Eh bien, dans les 4 jours qui viennent, je vais participer à 4 colloques, pas moins. Here at the university. Ici à l'université. I'm attending a symposium about. Je participe about à un colloque. Studies of neutrinos, sur les études de neutrinos, to as neutrinoless double beta decay, comme le neutrino double our original beta Sudbury decay. Neutrino Observatory experiment has ce been sont des converted expériences to study de that plusieurs phenomenon. Laboratoires qui étudient ce phénomène. I'm speaking this afternoon je parle about cet après-midi new project de notre on dark nouveau matter. Projet sur la matière and noire I am speaking et je parle at a conference here at the à une university conférence on the history of sur the neutrino, l'histoire du neutrino which summarizes all qui résumerait of the measurements that have toutes been made les mesures using, qui ont été faites about neutrinos from the very beginning. Qui ont été faites depuis so, le début. What is the outcome of this? Alors, le résultat, quelles sont les attentes? Exchanging information, nous espérons qu'en échangeant des informations, nous pourrons nous enseigner plus complètement les uns les autres. Many students involved nous avons beaucoup in this d'étudiants activity. Qui sont impliqués dans It's cette activité. A wonderful way to c'est une façon merveilleuse d'intéresser les étudiants dans les lois extrêmement fondamentales de la nature. Those students in many cases ces étudiants, dans beaucoup de cas, deviennent les professeurs de demain. About 25% of them. Mais seulement 25% d'entre eux, 75% des autres, ce sont par exemple des chercheurs qui font des recherches 10 ans après la fin de leurs études et nous découvrons que certains and operators of their own companies sont propriétaires some et directeurs de leurs propres sociétés de technologie. D'autres travaillent dans d'autres sociétés de haute technologie. Certains travaillent pour le gouvernement, d'autres pour la finance. D'autres sont professeurs de collège et de lycée. 75% bénéficient de l'apprentissage sur la façon dont on prend des décisions dans des situations complexes dans nos expériences et applique ce savoir dans d'autres domaines de la vie humaine. We really are providing donc, an excellent education une excellente to the next éducation of students, à la prochaine génération d'étudiants dans notre domaine fields. Et pour d'autres domaines beaucoup plus larges. And in many cases, et dans beaucoup de cas, what nous créons sometimes called ce qu'on appelle parfois des spin-off, des technologies spin-off, because we're always pushing parce que the frontiers of technology nous repoussons to do toujours our experiments. Les frontières de la technologie pour mener nos expériences. Voilà, le prix Nobel de physique 2015, Arthur MacDonald, au micro de Céline Lozen. La traduction était assurée par le brillant Michel Zlotowski. Peut-être une réaction globale l'un et l'autre, puisque je vous rappelle que nous faisons cette émission aujourd'hui en partenariat avec Science et Avenir, qui fait sa couverture sur les neutrinos la plus mystérieuse des particules. C'est notre grand dossier transverse du mois entre Science et Avenir, la méthode scientifique, France Culture, sur le papier, sur les ondes et sur nos sites internet respectifs. Un mot, une réaction générale à ce que vous venez d'entendre. Vous le connaissez par cœur, Arthur MacDonald, en tout cas son discours. Est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu votre attention dans cet entretien, Daniel Vigneault ? Oui, il a brillamment résumé son travail de recherche pour la découverte des oscillations à partir des neutrinos solaires. Et j'apprécie toujours qu'il rende hommage à l'expérience japonaise de Super Kamo Kande, qui a trouvé les oscillations 3 ans avant lui, alors que pour la plupart des physiciens, les deux expériences, neutrinos solaires et neutrinos atmosphériques, sont à mettre sur le même plan, parce que dans deux domaines différents, elles ont contribué de manière simultanée à démontrer l'existence de l'oscillation. Azad Kalabari. Oui, c'est vrai qu'il a résumé brillamment tout ce qui était l'histoire de ce secteur. C'est aussi, je trouve que ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir un nouveau messager. Et ça va nous apporter énormément d'informations en astronomie. Jusque-là, nous ne dépendons que de la lumière. Des photons. Donc des photons. Oui. Alors, bien sûr, il y a l'observation multilongueur d'onde. On a le visible infrarouge jusqu'au rayon X et gamma. Mais avoir un autre messager, ça peut ouvrir une autre fenêtre sur l'univers. On a parlé aussi d'un autre messager lorsqu'il y a eu la détection des ondes gravitationnelles. Eh bien, maintenant, on a 3 façons de sonder l'univers et c'est fantastique, c'est prometteur. C'est important parce que, Daniel Vigneault, cette astronomie qu'on a entendue, qui s'appelle multimessager, dont vient de parler Azad Kalabari, c'est une sorte de mutation de l'astrophysique contemporaine qui, d'un seul coup, va nous donner accès à des choses, parce qu'elles étaient insaisissables jusqu'à présent, qui étaient impossibles, que l'on pouvait difficilement percevoir, précisément parce que les ondes électromagnétiques sont des ondes électromagnétiques, donc elles réagissent trop. Finalement, le fait que ces différentes particules comme le neutrino ou ces phénomènes comme les ondes gravitationnelles aient été quasi invisibles, aujourd'hui ça ouvre une nouvelle porte sur l'univers. Oui, alors c'est une nouvelle porte qui est ouverte, mais si on veut remonter à l'histoire de cette nouvelle porte, il faut remonter à 1960. Dès 1960, il y a un physicien russe qui s'appelle Moïse Markov qui a imaginé déjà des détecteurs comme KM3Net ou comme IceCube en Antarctique pour détecter justement ces neutrinos de très haute énergie venus de l'univers, à une époque où on connaissait beaucoup moins les phénomènes violents dans l'univers. Donc il y a toute une histoire depuis 1960 avec des premiers essais de détecteurs dans les années 70, puis dans les années 80, jusqu'à la concrétisation des premiers détecteurs dans les années 90, parce que IceCube, qui a donné ses résultats très importants récemment, le père de IceCube, c'est un détecteur qui s'appelle Amanda, qui a été construit dans les années 92-93, donc en Antarctique. Et puis dans la Méditerranée, le détecteur européen, disons, en particulier français, Antares, qui est le père de KM3Net, qui va se dessiner. Donc il y a tout un processus qui a duré très longtemps pour mettre en évidence ces neutrinos de très haute énergie. Et simultanément, donc, les progrès en astronomie gamma, par exemple, à très haute énergie, ont permis aussi aux théoriciens, aux astrophysiciens théoriciens, de comprendre un petit peu mieux les mécanismes qui produisaient ces gammas de très haute énergie et qui devaient produire en même temps ces neutrinos de très haute énergie. Donc on arrive à la convergence de ces deux types de détecteurs, et c'est une espèce d'unification de la physique, de l'astrophysique, qui est vraiment très très importante. Quels sont a priori justement les débouchés? On peut reparler un peu de ces... Quand on parle de neutrinos à très haute énergie, on l'évoquait en tout début d'émission, hein, là on parle de 290 téraélectronvolts pour le neutrino cosmique qui a été détecté par IceCube, alors qu'on disait que c'est à peine 0,1 pour des neutrinos solaires. Ça veut dire qu'il y a effectivement une échelle de grandeur énorme entre les deux. À quoi ça devrait nous permettre d'avoir accès? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir qu'on ne voyait pas jusqu'alors, Daniel Vigneault? On va comprendre le fonctionnement de ce qu'on appelle les noyaux actifs de galaxies, qui sont, pour simplifier, un trou noir central avec émission de particules dans des jets et puis un noyau d'accrétion. Et c'est dans ces jets de particules que sont produits ces réactions entre les particules, qui vont, des réactions essentiellement entre des protons ou entre des noyaux, des choses toutes simples, qui vont produire des photons de très haute énergie, des gammas de très haute énergie et des neutrinos. Enfin, c'est une des possibilités, il y en a d'autres, mais je simplifie ici. Et donc la compréhension de ces objets, qui sont des objets qui sont qui remontent à des... La lumière qu'on voit ou les neutrinos qu'on voit ont été produits il y a des millions, des centaines de millions d'années, enfin il y a très très longtemps. Donc ça nous permet de mieux comprendre l'univers, ça complète notre compréhension de l'univers dans ce domaine-là. Alors, Kadabari. Bien sûr, si on arrive à détecter et à répertorier les neutrinos, on peut ouvrir notre fenêtre sur l'univers, non seulement dans l'espace et dans la connaissance de chaque objet, mais surtout dans le temps. L'idée, c'est que aujourd'hui, avec la lumière, nous ne pouvons pas aller au-delà de l'époque où l'univers était âgé de 380 000 ans. C'est le fond diffus cosmologique. Alors, avec ces neutrinos que l'on appelle très joliment les neutrinos reliques, on pourrait atteindre ces périodes bien avant l'émission de ce fond diffus cosmologique. Simplement, la détection de ces neutrinos reliques est très très difficile. Oui, là, on est passé des neutrinos de très haute énergie à des neutrinos de très basse énergie, puisque là, les neutrinos reliques dont parle Hazard sont des neutrinos qui ont été produits lors du Big Bang. Une seconde après le Big Bang, les neutrinos, comme ils interagissent très faiblement, se découplent de l'ensemble de la soupe primordiale du Big Bang. Et donc, depuis 13,6 milliards d'années, ces neutrinos errent dans l'univers comme des malheureux, je dirais. Et il y en a encore aujourd'hui, il y en a 330 par centimètre cube dans tout l'univers. Hein, un mélange de neutrinos, d'antineutrinos des différentes espèces. Et donc, on peut comparer ça, juste en un mot, Daniel Vigneault, à la quantité de neutrinos solaires que nous recevons, qui est de... Alors, les neutrinos solaires, c'est 65 milliards par centimètre carré par seconde. Donc 330 par centimètre carré, c'est très très peu. Par centimètre cube, pardon. C'est volumique parce qu'ils vont, sont relativement lents. Et comme ils ont une énergie très très faible et que la probabilité d'interaction des neutrinos est proportionnelle à leur énergie, ils sont très difficiles à détecter. Donc il y a eu des tentatives expérimentales depuis une trentaine d'années qui n'ont pour l'instant rien donné. Il y a actuellement un projet à Princeton aux États-Unis qui est en place. On verra ce que ça donne. Alors en parlant de projet de détecteur, Azar Kaladbari, dans le dossier de Sciences et Avenir, vous avez eu la chance de partir à l'autre bout du monde sur un détecteur qui est en cours de construction en Chine. C'est le chantier de Juno que vous décrivez. Racontez-nous un peu. Voilà, c'est le chantier de Juno qui va être un des plus grands détecteurs de neutrinos. Donc, c'est 20 000 tonnes, en fait, d'un liquide à base de benzène qui va être concentré à cet endroit. Pour l'instant, c'est sous forme d'un chantier gigantesque. Alors, lorsqu'on arrive dans cette région de Chine où il y a beaucoup de rizières et beaucoup d'aquaculture, en fait, on voit surgir ce chantier qui est un peu étonnant à cet endroit-là. C'est donc dans la région de Jiangmen. Alors là, ce chantier a été imaginé par Yifang Long, qui est le patron de la physique des particules en Chine. Et l'idée, c'est de concevoir un détecteur et placer ce détecteur donc exactement sur les sommets d'un triangle équilatéral avec donc deux réacteurs nucléaires qui servent de source, donc qui envoient les neutrinos vers ce détecteur. Et donc ce détecteur doit être exactement à cet endroit-là. Donc les deux réacteurs sont à 53 km de distance chacun. Et l'idée, l'objectif principal, c'est de déterminer ce qu'on appelle la hiérarchie de masse des neutrinos. Alors, ce qu'il faut savoir, mais surtout Daniel complétera si je manque à expliquer, ce qu'il faut savoir, c'est que donc chaque neutrino à chaque moment, sa masse est une association de trois valeurs différentes. Et ce qu'on appelle sa saveur, si on peut dire sa nature, et aussi une association. Donc l'idée, c'est de savoir quelle est la hiérarchie de ces masses et déterminer si ce qui va nous permettre, disons, d'arriver à la détermination de la masse. Mais Juno a exactement le même objectif que Dune, qui est l'expérience américaine. Disons qu'ils vont être en compétition pendant un certain temps. Ces travaux qui sont des travaux effectivement de métrologie en quelque sorte, Daniel Vigneault, ils sont tout de même importants pour mieux comprendre, parce que c'est vrai, comme Azar vient de le dire, la masse, l'oscillation des neutrinos est encore très très mal comprise. Non, tout à fait. Il est important de faire ces expériences que je qualifie de métrologie, parce que on essaie de mesurer des paramètres qu'on connaît un petit peu, mais dont on veut avoir une meilleure précision pour pouvoir contraindre le modèle de plus en plus. Donc ces expériences sont essentielles. Je les oppose, entre guillemets, aux expériences qui sont plutôt de découverte, comme si on découvrait les neutrinos cosmologiques ou la découverte des neutrinos de très haute énergie, qui sont là des avancées. Mais les neutrinos cosmologiques, c'est les neutrinos reliques qu'on évoquait à la fin. Ce sont les deux types d'expériences sont nécessaires pour faire avancer la connaissance. Il reste quelques questions brièvement. La question de l'antiparticule du neutrino. Est-ce que le neutrino est sa propre antiparticule? C'est une question qui reste en suspens, Daniel Vigneault. Alors, le neutrino est-il ou pas sa propre antiparticule? C'est-à-dire, le neutrino est-il, comme on dit dans le jargon, soit de type Dirac, soit de type Majorana, deux physiciens des années 30 qui ont postulé deux théories différentes pour les particules et pour le neutrino. Et donc, c'est assez important parce que, sur le plan théorique, le neutrino de Majorana permettrait de mieux intégrer le neutrino avec sa petite masse dans le cadre théorique. Alors, pour mettre en évidence ce neutrino de Majorana, il faut faire des expériences qu'on appelle de double désintégration bêta sans neutrino. Ce qu'on entendait tout à l'heure, d'ailleurs, dans l'entretien avec Arthur MacDonald. Donc, dans la désintégration bêta, on a un neutron qui se désintègre en un proton, un électron et un neutrino. dans la double désintégration bêta, on a simultanément deux neutrons qui vont se désintégrer en deux protons, deux électrons et deux neutrinos. Et dans la double désintégration bêta sans neutrinos, eh bien, les deux neutrinos qui sont produits vont s'annihiler parce que c'est la même particule. Et donc, ce phénomène est extrêmement rare et il n'a pas encore été observé. Et des expériences, il y a des expériences en œuvre en France, dans le laboratoire souterrain de Modane, en Italie, dans le laboratoire du Grand Sasso, dont on a déjà parlé tout à l'heure, aux États-Unis, dans différents endroits, donc aussi au Snow Lab au Canada. D'Arthur MacDonald, le fameux. Et au Japon. Et je crois que. On n'est peut-être pas encore prêt d'observer ce phénomène, mais que la convergence, il faudra que les expériences mondiales se regroupent de manière plus forte pour mettre en œuvre des détecteurs encore plus importants que ceux qui sont actuellement en service. Un mot rapide pour le balayer d'un revers de la main, même si pourtant ça a été une hypothèse qui a eu une durée de vie relativement longue. Aujourd'hui, comme le disait Arthur MacDonald tout à l'heure, on a suspecté que le neutrino puisse être la fameuse matière noire manquante dans l'univers. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas, malgré le fait qu'on ait aujourd'hui réussi à calculer la masse, notamment des neutrinos cosmologiques. Oui, alors il y a deux choses. Premièrement, la masse du neutrino est trop faible pour pouvoir expliquer toute la masse manquante de l'univers. Bon, ça c'est clair. Mais comme il a une petite masse, il va en expliquer une petite partie. La deuxième chose, c'est que le neutrino ayant une vitesse, quasiment la vitesse de la lumière, pour faire que les galaxies puissent se rassembler, il faut que la gravitation soit suffisamment forte. Et les neutrinos allant trop vite, disons, ils vont s'en aller avant d'avoir réussi à accréter gravitationnellement. Donc, ces deux raisons font que les neutrinos sont une petite composante dans la matière noire, mais ce n'est pas eux qui expliquent la matière noire. Et pour conclure, puisqu'il nous reste quelques secondes, par ce que j'appelle un petit mind trick, c'est-à-dire une idée qui va faire gamberger les auditeurs pendant un petit bout de temps, puisque nous-mêmes, nous générons quelques neutrinos, la radioactivité naturelle, notamment du calcium et, je crois, du potassium dans nos os et dans nos dents, fait que nous émettons des neutrinos. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous a autour de lui une sphère de neutrinos qui voyage quasi à la vitesse de la lumière. Donc, par exemple, moi, c'est 42 années-lumière, les premiers neutrinos que j'ai émis, ils sont où dans l'espace à peu près? Oui, les miens sont plus loin. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, nous émettons dans tous les sens des neutrinos qui voyagent à la vitesse de la lumière. Oui, chacun d'entre nous émet quelques milliers de neutrinos par seconde. Ben voilà, donc vous pouvez, en fonction de votre âge, aller regarder sur une carte de la galaxie et de l'univers pour savoir jusqu'où vous avez projeté vos neutrinos personnels dans l'espace. Allez, ça fait rêver un peu, c'est assez amusant. Merci beaucoup à tous les deux, merci Daniel Vigneault, merci beaucoup à Azar Kadatbari. Je rappelle vous pouvez vous référer au dossier que vous avez coordonné, que vous avez écrit, Neutrinos, la plus mystérieuse des particules. C'est dans le Science et Avenir de ce mois-ci, un dossier complet donc dans le Science et Avenir papier, sur le site de Science et Avenir, sur le site de France Culture, sur les ondes. Bref, c'est notre deuxième dossier transversal. Science et Avenir et la méthode scientifique. Un petit mot pour vous dire que samedi matin, eh bien, il y aura le forum à la Sorbonne, Les Idées Claires, où nous allons parler des régimes de fake news, de désinformation scientifique. Pour ce qui concerne la méthode scientifique, ce sera de 9h à 10h avec Étienne Klein, Gérald Bronner et Bernadette Benso de Vincent pour savoir si la science aujourd'hui est elle-même mise en doute finalement par cette ère de la désinformation. Mais vous pourrez aussi retrouver Adèle Von Rett, Hervé Gardette et Olivia Gesbert tout au long de cette matinée. L'entrée est gratuite, mais il faut s'inscrire sur le site de la Maison de la Radio, maisondelaradio.fr. Toutes les informations sur franceculture.fr également. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Pierrick Monsigny à la technique aujourd'hui. Demain, nous parlerons de la cyberguerre froide dans laquelle nous sommes plongés. On se retrouve à 16h jusqu'à preuve du contraire.